me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment les classements révélateurs des talents peuvent-ils déclencher un processus d'amplification des écarts de réputation ? Qu'est-ce qu'on peut dire des avantages cumulatifs, demande le sociologue Pierre-Michel Menger. Et comment acquérir une durabilité des talents? L'idéal de compétition méritocratique est-il lézardé aujourd'hui? Titulaire de la chaire Sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger nous entraîne dans une grande et passionnante enquête à laquelle il consacre 2 années de cours sous le titre « Qu'est-ce que le talent ? Élément de physique sociale, des différences et des inégalités ». Les semaines précédentes, il a interrogé la longue histoire et les controverses liées à la notion de talent de l'Antiquité à nos jours. Il a montré comment cette notion avait pour origine la parabole des talents dans l'évangile de saint Matthieu. Parabole que nous retrouvons dans cette dernière ligne droite de la série. Je résume les termes de la parabole. Un maître a 3 serviteurs. Les 2 premiers sont bien dotés et font fructifier leurs dons initiaux. Le dernier ne reçoit qu'un seul talent et ne l'augmente pas, ce qui cause la colère du maître. Que fait-on de la dotation initiale et comment intervient l'effet cumulatif, ou fameux effet Matthieu, analysé par le sociologue américain Robert Merton, notamment dans le milieu scientifique? Cet effet repose sur la célèbre phrase de la parabole que je cite « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a ». Pierre-Michel Menger rappelle que le monde des arts est un des creusets de l'usage massif du vocabulaire du talent avec le monde scientifique. Il s'attache depuis le dernier cours aux critiques de la notion de talent et de génie et il explore ce qui est en jeu dans les évaluations. Le sociologue revient sur la façon dont l'impératif d'originalité peut dessiner une compétition instable via la différenciation individualisatrice. Et il analyse les inégalités qui l'accompagnent, inégalité de réussite et inégalité de valeur attachée à certaines qualités des travailleurs. Il a montré dans les cours précédents comment nous sommes passés d'un vocabulaire de la compétence qui additionne les savoirs et les savoir-être à aujourd'hui un vocabulaire beaucoup plus différenciateur qui est celui des talents qui euphémise des nouvelles formes d'inégalité et de nouvelles formes de développement extrêmement sélectif des potentiels des individus. Quelles sont alors les relations entre la concentration de l'attention et l'effet statutaire, comme a pu l'analyser Roger Gould? Quelles sont les critiques de la notion de génie et de la mythologie créative par Nietzsche? Comment l'individu est-il situé dans un contexte de chaîne de coopération et comment valoriser dès lors les contributions de tous ceux qui collaborent à une œuvre? Et nous gagnons le Collège de France le 24 février 2017 pour le cours de Pierre-Michel Menger, La question du talent, modèle d'analyse et controverse. Le mécanisme de l'avantage cumulatif mérite d'être examiné d'un tout petit peu près pour qu'on comprenne ce qui se passe. D'abord, je rappelle que ce modèle de l'avantage cumulatif, si directement inspiré de la parabole des talents, c'est même là que l'a trouvé celui qui a inventé ce modèle, c'est Robert Merton, qui a exploré les différences de réussite dans les sciences. Et l'argument est connu sous un autre nom qui s'appelle l'effet Matthieu. aux riches, on donnera encore plus, et aux pauvres, on enlèvera tout ce qu'ils ont. C'est aussi brutalement que ça. Et Merton va appliquer ce raisonnement au monde des sciences. Il part de l'hypothèse qu'une inégalité considérable de réussite et de réputation dans une carrière scientifique, telle qu'elle est mesurée par toutes sortes d'indicateurs, le nombre de citations des travaux, le facteur d'impact des revues dans lesquelles publie quelqu'un, le revenu, l'estime que les collègues vous fournissent, ou bien même les rémunérations que vous obtenez dans des positions enviables, là où la compétition entre les universités pousse à un marché des positions et des rémunérations. Mais on peut parler aussi du prestige et de la reconnaissance sociale. Tout ça, toute cette inégalité peut parfaitement résulter d'une différence qui serait initialement négligeable dans la qualité intrinsèque des individus. C'est une hypothèse qu'on peut émettre et il faut essayer de la tester. Pourquoi est-ce que ça peut arriver ? Les ressources du monde scientifique, les crédits, les honneurs, les postes, les bourses, sont des ressources limitées. C'est une contrainte de rareté. Elles sont allouées à travers des épreuves de compétition qui permettent de mesurer le talent en termes relatifs, puisque celui-ci est difficile à observer directement. Et elles récompensent une performance passée tout en incitant à une productivité future. C'est le principe incitatif de ces mécanismes. Et donc les pairs dans la communauté scientifique ont une capacité limitée à évaluer la masse considérable de travaux scientifiques qui sont en cours et à estimer la productivité espérée des chercheurs qui les produisent. Leurs décisions sont essentiellement myopes. Ils accordent leur attention, leur crédit, leur estime et les citations qui vont avec, et ils accordent les ressources à distribuer, principalement ou plus que proportionnellement, aux chercheurs qui ont déjà acquis une réputation en raison de la valeur de signal que contient celle-ci. C'est l'argument de Merton. Leurs anticipations sont donc beaucoup des extrapolations. À partir de ce qu'ont été les performances observées, il s'agit de prédire ce qui a des chances d'être produit et de stimuler la productivité des scientifiques qui sont choisis sur cette base. Alors, cet argument, il a deux spécifications possibles. Une lecture par ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'allocation disproportionnée de l'attention sur certains, qui ne fait que renforcer la réputation. Mais il a une autre spécification possible, qui est une lecture par la modification du système de travail de ceux qui commencent à bénéficier de cette allocation de réputation, et donc une lecture par la modification des chances de succès dans le travail lui-même, de ceux qui sont bénéficiaires, celles et ceux qui sont bénéficiaires de cet avantage. Ça, c'est un argument très différent. C'est-à-dire que si vous bénéficiez très tôt d'un avantage, vous allez travailler autrement et vous allez créer, en quelque sorte, peut-être, une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que vous allez développer votre système de travail dans des conditions qui seront très supérieures à celles de celui qui ne bénéficie pas de cet avantage et qui était pourtant peut-être éventuellement assez proche de vous, mais vous allez finir par créer un vrai écart qui sera mesurable de bien des manières. Je vais laisser pour l'instant ce deuxième aspect de côté parce qu'il nous introduit à autre chose que je retrouverai quand je discuterai dans la dernière séance le problème de l'entreprise et des organisations, puisque nous sommes ici aussi dans des univers d'organisation, et j'y mentionnerai le fameux problème de ce que j'appelle les appariements sélectifs, c'est-à-dire les gens qui sont appariés ou reliés par des niveaux de qualité, qui peut être un mécanisme en lui-même extraordinairement puissant d'amplification des écarts. Donc je vais me limiter pour l'instant au premier aspect qui a un parfum fortement relativiste, vous l'avez compris. La valeur attribuée à quelqu'un concentre sur elle ou lui plus d'attention. Je viens de le dire, c'est la monnaie ou le crédit des citations dans le travail scientifique qui peut être exploité comme un avantage cumulatif. L'attention, qu'est-ce que c'est ? C'est un signal informationnel qui est transmis à autrui et qui peut rapidement provoquer une contagion rationnelle parmi un nombre croissant d'individus à travers des réseaux de relations interpersonnelles ou à travers l'attention accordée aux propagateurs ou aux agrégateurs de signaux. les technologies des plateformes et des sites ne font que ça aujourd'hui. Elles ont en quelque sorte industrialisé ce mécanisme de concentration de l'attention. Les page rankings de Google, etc., ne sont qu'une formidable extrapolation et application industrielle à très grande échelle, mais dans le très grand mystère de ce que sont ces fameux algorithmes. C'est peut-être le nouveau mystère de l'humanité. C'est qu'est-ce que c'est que l'algorithme de Sergey Brin, le cofondateur de Google. En tout cas, le résultat, c'est que le statut accordé à celui qui réussit mieux, en concentrant l'attention, procure un avantage disproportionné. Roger Gould, qui est un sociologue, hélas disparu trop tôt, extrêmement inventif, avait écrit un très joli article qui s'appelle « The Origins of Status Hierarchies ». Et il avait produit un modèle théorique et avec un test empirique en 2002. En tout cas, l'article a été publié en 2002 dans l'American Journal of Sociology. Et il écrit ceci, que j'ai plaisir à citer pour lui rendre hommage aussi. Selon la théorie proposée ici, c'est le même problème. Qu'est-ce que c'est que ces hiérarchies qui surgissent et qui amplifient des écarts qui sont éventuellement faibles ? La raison pour laquelle des positions sociales plus ou moins avantageuses existent réside, alors c'est une radicalisation de l'argument puissqu'il l'étend très au-delà des mondes que je viens d'évoquer, réside dans le fait que les jugements sur la qualité relative sont socialement influencés. Des jugements socialement influencés amplifient des différences sous-jacentes de telle sorte que les individus qui sont classés au-dessus de la moyenne, selon telle ou telle dimension qualitative abstraitement définie, sont surévalués, c'est comme ça que je le traduis, tandis que ceux qui se situent sous la moyenne sont sous-évalués par référence à un scénario de base dans lequel l'influence sociale n'opérerait pas. Donc c'est le contrefactuel. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'influence sociale ? Ça, c'est le modèle théorique. L'amplification intervient parce que des interactions observables qui expriment des jugements de qualité sont aussi des signaux adressés à d'autres acteurs qui cherchent des repères pour former leurs propres jugements. Donc, nous sommes dans un monde d'interaction. Nous baignons dans l'interaction. Je vous retrouverai cet argument plus tard d'une autre manière dans une discussion que j'introduirai sur les écrits d'Henri Poincaré à partir d'une lecture que j'ai faite d'un ouvrage remarquable de Jacques Bouvresse sur Musil. Mais je ne vais pas anticiper trop pour l'instant. Mais c'est la même idée. Gardez-la en mémoire, ces mécanismes d'interdépendance par l'interaction créent des effets d'affiliation. Et il y a évidemment quelque chose qui se met en route. Et donc, Roger Gould écrit, il en résulte que même si les jugements sont en dernier ressort modelés par les qualités sous-jacentes des individus, les bénéfices que procurent ces jugements sont exagérés à un bout de l'échelle et réduits à l'autre extrémité. Dans le même temps, les positions avantageuses que les individus occupent à l'extrémité supérieure ne sont, selon cette théorie, en rien créées ou défendues par quiconque. Ça n'est pas une conspiration, si ça valait la peine de le dire. Ça n'est pas une sorte de conspiration élitiste. Chaque individu contribue à la création de positions structurales simplement en permettant au jugement des autres d'influencer le sien. Voilà une définition assez radicale de reconstitution de hiérarchie de statut à partir de mécanismes d'interdépendance entre les individus. Le modèle de l'avantage cumulatif permet d'analyser des inégalités sociales comme le produit d'une dynamique de divergence croissante entre des trajectoires à partir d'une situation initiale qui s'approche de l'égalité des conditions. Donc, l'argument, c'est un individu, un groupe, une firme, vous pouvez appliquer ça à beaucoup de choses, dont toutes les caractéristiques paraissent très proches de celles de leurs concurrents, en viennent à disposer de cet avantage minime. Ça peut être une aptitude particulière, une opportunité d'investissement, la bonne fortune d'une invention, ou même l'intervention pure et simple du hasard. On y reviendra. Cet avantage ne les favorise d'abord que légèrement, mais va s'amplifier au point de provoquer une inégalité considérable dans la distribution des bénéfices qu'il permet d'obtenir. Donc, selon ce modèle, même si les trajectoires de deux jeunes professionnels divergent énormément, leur qualité pouvait très bien être presque équivalente ou équivalente au départ. En fait, le raisonnement de Merton, son caractère un peu énigmatique, il laisse indéterminer l'origine de la différence de la performance. C'est un peu le même problème qu'avec Rosen. Cette origine causale peut être éventuellement une différence d'aptitude ou de qualité. Quelle que soit la définition de l'aptitude ou de la qualité ou de la somme de qualités supérieures qui sont détenues par le compétiteur qui est le plus brillant ou qui va réussir plus vite. Mais ça peut être aussi un facteur purement aléatoire. Pourquoi est-ce que Merton, qui est pourtant attentif à des différences de qualité, Merton écrira quelque part qu'un savant très réputé et très productif peut être le résultat d'un phénomène comme celui qu'il décrit et en même temps pouvoir produire l'équivalent de plusieurs chercheurs ou plusieurs dizaines de chercheurs qui travaillent dans son entourage. Ça a même été testé. On a même fait un test pour savoir ce qui arrivait quand on enlevait une star d'une équipe. Qu'est-ce que produisait l'équipe une fois que la star était partie ? Ce sont des travaux de Pierre Azoulay qui est au MIT. Merton, pourquoi est-ce qu'il procède ainsi ? Parce que quand il ramène la différence initiale à presque rien ou même à rien du tout, il cherche tout simplement à écarter un argument qui réduirait à une simple tautologie l'analyse du mécanisme de l'avantage cumulatif. Si je disais que la compétition est d'emblée fortement inégale, parce que les différences de qualité entre les individus mis en compétition ou en concurrence pour construire des carrières dans des univers où la compétition est très importante, et c'est même un régulateur, dans la science, c'est le cas, pourvu qu'elle soit fair, qu'elle soit équitable. C'était l'un des grands sujets du dernier cours de Pierre Bourdieu ici au Collège de France. Donc, si ces différences étaient facilement observables et importantes et prédictives de réalisations futures, alors le succès obéirait à un mécanisme causal extrêmement simple. En quelque sorte, ceux qui sont déjà meilleurs au départ ne feront que récolter les bénéfices de leur qualité moyennant un effort plutôt que pas. Quand Merton postule que l'écart peut être en fait d'une origine aléatoire, on veut déplacer le regard, non pas vers l'origine individuelle de ces écarts, mais vers la dynamique sociale de la disproportion. C'est ça qui est l'enjeu. Et Merton écrit « Des scientifiques éminents reçoivent pour leur contribution à la science un crédit très disproportionné au regard de ce qu'obtiennent des scientifiques moins connus pour des contributions comparables. » Bon. Et il cite au passage deux cas où ces écarts de rétribution en prestige sont faciles à observer, des articles écrits en collaboration et des découvertes simultanées. Dans le cas des articles écrits en collaboration, deux chercheurs ou plusieurs chercheurs ont travaillé ensemble, mais ils reçoivent une attention et des profits inégaux. Pourtant, ils sont les auteurs de l'article. Et pourtant, l'attention qui leur est accordée est inégale. Celui dont le nom est déjà connu en tire beaucoup plus de visibilité alors qu'ils ont partagé le travail. On peut dire qu'il peut éventuellement aider, et c'est le mécanisme du mentoring et du soutien à des plus jeunes. Il les a mis en piste et à eux de jouer leur partie ensuite. Ça peut être évidemment la version positive de la chose. La version moins positive, c'est que des co-auteurs, et aujourd'hui le co-autorat est un sport extraordinairement pratiqué, je vais y revenir tout à l'heure, qui a beaucoup augmenté, notamment sous l'effet d'une injonction à la productivité dans la recherche. Le co-autorat peut très bien donner lieu à des mécanismes comme celui que décrit Merton, c'est-à-dire un auteur a un portefeuille de collaborateurs. Je connais des collègues qui travaillent exactement comme ça. Il a un portefeuille de projets et un portefeuille de collaborateurs. Et évidemment, celui qui est au centre du réseau, lui, détenteur ou elle, détentrice du portefeuille, en tire plus de bénéfices que ceux qui sont des collaborateurs, éventuellement one-shot, ou etc. Bon. Encore que, il faut régler le curseur pour que celui qui tient les ficelles et qui tire les ficelles et qui organise tout ce jeu de portefeuille de collaboration choisisse bien ses collaborateurs, évidemment. Donc, avec un degré de sélectivité dans les appariements. Mais il va effectivement probablement en tirer un avantage plus que proportionnel à ce qui est son écart de qualité, puisqu'il a collaboré. Dans ces exemples, le second exemple, c'est celui des découvertes quasi simultanées. Deux chercheurs, plusieurs chercheurs, ont eu la même idée à peu près en même temps. Ça arrive assez souvent, indépendamment l'un de l'autre, mais l'un a publié plus tôt que l'autre. Aujourd'hui, dans certaines conférences scientifiques, les collègues arrivent avec un avocat. Parce que tout le monde a un smartphone et peut photographier une slide et transmettre ça instantanément à leur équipe. Et voilà, si la slide est un résultat qui n'est pas encore publié, vous voyez les dégâts que ça peut produire. Donc, ça n'est pas simplement une découverte simultanée, c'est une découverte simultanée forcée. En tout cas, le mécanisme existe. Et celui qui a publié un tout petit peu plus tôt, et le cas, l'interprétation généreuse des colloques avec avocats, c'est des individus sont sur un sujet chaud, le front de la recherche s'est densifié sur ce sujet, la population des chercheurs est très nombreuse sur ce sujet très important, donc la rivalité est très féroce et l'avantage de l'un par rapport à l'autre peut être extraordinairement mince, mais ça va être pas des nanosecondes comme dans les cotations boursières, mais éventuellement quelques heures ou quelques jours. Et voilà, parce que les idées germent dans des cerveaux qui travaillent. Après tout, voilà, c'est une des manières de réduire l'argument de la génialité solitaire qui est inspirée par le foudrement du ciel. Et pourtant, celui qui a découvert plus tôt, évidemment, va tout rafler. Il y a des célèbres controverses sur ce sujet incessantes, notamment en biologie, parce que c'est un domaine où la compétition est féroce. Elle l'est aussi ailleurs, mais là, elle atteint des niveaux assez étonnants. Dans ces exemples, le principe du raisonnement est conforme à une argumentation de type assez typiquement constructionniste, c'est-à-dire la valeur, c'est une construction sociale. Les qualités initiales des individus sont égalisées, et c'est le système d'allocation du prestige qui crée des dénivelés spectaculaires de réputation. Évidemment, l'hypothèse clé, c'est que les contributions des chercheurs étaient bien de valeur égale. C'est ce qui permet d'enclencher le raisonnement contrefactuel et d'imaginer que les choses auraient pu tourner tout autrement si l'allocation de réputation était moins confiscatoire que dans un système où le vainqueur rafle tout, ou un système où le vainqueur rafle l'essentiel. Et si la hiérarchie des réputations ne pesait pas autant sur l'attention accordée au travail des chercheurs par leurs pairs. Quand vous recevez tous les jours des milliers d'articles qui sont publiés dans votre discipline, vous regardez d'où ils viennent, qui les a signés, quelles sont les revues qui les ont produits, et vous, comme vous ne pouvez pas vous répandre sur la totalité de ce qui est produit, ou qui vous a signalé un article intéressant, etc., etc., par le réseau des pairs. Tout ça sont des mécanismes, évidemment, de concentration de l'attention qui n'ont rien à voir avec cette attention illimitée à des produits de différenciation illimitée dont je parlais tout à l'heure. Évidemment, on voit bien pourquoi les conséquences d'un tel raisonnement peuvent être redoutables pour la compétition scientifique elle-même. Tout peut se jouer très vite et créer des écarts énormes et irréversibles. Et l'efficacité et l'équité d'un système de concurrence professionnelle, comme celui qui est décrit par Merton, dans les sciences, sont en effet mises en question si la stratification du monde de la recherche est affectée de biais dysfonctionnels. Si ces mécanismes existent, il est logique de supposer que tout le monde le sait, et que tout le monde soit s'en servir, et que donc, au lieu de constater un phénomène, on va l'organiser. Et la compétition scientifique, aujourd'hui, elle repose notamment sur la vitesse de détection des talents et la vitesse de concentration de ces talents dans des endroits où on va les développer plus vite et on va bénéficier de leur recherche et de leur réussite plus vite dans des universités qui ont les moyens d'acheter ces talents. J'avais évoqué ce problème dans un cours antérieur, notamment à propos du phénomène de prédation des chercheurs prometteurs par certaines universités dans le monde et en Europe. Et j'avais évoqué un cas remarquable. La Suisse est un grand prédateur de talents. Bon. En fait, c'est l'idéal d'universalité porté par un modèle de compétition méritocratique qui risque d'être lézardé si la rareté des ressources de temps et d'attention qui sont allouées à la production d'évaluation ou à la recherche d'informations sur la qualité des travaux de recherche provoque ce recours excessif aux signaux réputationnels et provoque donc des distorsions de concurrence dans ce contexte d'information imparfaite. Et je ne parle pas, mais je viens d'en parler, des manœuvres stratégiques dont l'allocation des réputations peut être l'objet et qui nous renvoie à une conception du monde scientifique éventuellement comme arène politique et un univers de transactions et de marchandages des estimations de la qualité. Certains vont très loin dans ce sens-là. Les forces de rappel existent aussi pour ne pas exagérer cet argument. En tout cas, l'idéal d'universalité et de compétition loyale est sérieusement fissuré si le mécanisme d'avantage cumulatif opère dans un contexte de très grande rareté des positions promises aux meilleurs. Le Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Minguer, La question du talent, modèle d'analyse et controverse. Alors, est-ce que ces pathologies possibles sont dissipées avec l'épreuve du temps ? L'imputation de talent, je l'ai dit, elle agit dans un sens prospectif. Le talent et le potentiel ont partie liée, c'est même presque la même sémantique de la capacité. On oriente le regard vers le futur, on cherche à détecter des individus prometteurs et en quelque sorte à leur permettre de développer leurs capacités, y compris pour produire des prophéties autoréalisatrices, en tout cas pendant le cours de leur carrière, et il y aura des bénéfices pour eux et pour ceux qui les ont attirés, détectés, découverts, etc. Et tout ça pour permettre de régler des anticipations sur ce qu'il faut attendre des individus sur lesquels on peut miser. Mais une fois que la carrière est suffisamment avancée ou qu'elle est même complète, par exemple à la mort de l'individu, l'incertitude sur ce qu'il vaut est progressivement réduite et même on détient la totalité de l'information sur ce qu'il a fait quand sa carrière est achevée. Et donc, on pourrait dire qu'à ce moment-là, on peut changer de pied, qu'on peut adopter peut-être une conception plus essentialiste du talent ou du génie en postulant que les écarts de consécration dans ces univers de différenciation, d'innovation et de compétition, ces écarts sont provoqués par des différences d'aptitude qui, selon toute apparence, pourraient bien avoir été d'une amplitude plutôt proportionnelle que disproportionnelle, puisque maintenant on a plus d'informations. La communauté des pairs, dans les sciences, et celle des différents publics, dans les arts, même imparfaitement informée ou inégalement cultivée, ne peut que se rendre à l'évidence, tôt ou tard, des écarts, et fournira des jugements de valeur ou des jugements sur les différences de valeur qui créeront une sorte de socle d'universalité. À ce moment-là, on aura changé de conception de la proportionnalité. Elle ne s'applique pas aux qualités intrinsèques des individus et à la relation entre ces qualités et leur évaluation, ou leur prix, quand il s'agit de marché, et Dieu sait s'il peut s'agir de marché, mais elle s'applique à la relation entre l'échelle d'évaluation et la quantité d'informations disponibles. Les évaluations sur le moyen et le long terme sont en effet de vastes agrégations d'informations issues de toutes sortes de contextes, et la valeur fondamentale, si on peut la détecter d'un ou d'une artiste, ou d'un créateur, ou d'un scientifique, peut être définie, comme dans d'autres contextes de mesure informationnelle de la valeur, comme la somme des informations, comparatives et ordinales en particulier, qui ont été accumulées et qui sont disponibles sur ce qui fait l'objet de l'évaluation. En tout cas, nous sommes dans une matière d'information, au sens média d'information, mais de quantité de données à rassembler et à échanger. C'est vrai que dans les arts, sur le long terme, l'évaluation bénéficie de cet effet de réduction d'incertitude sur l'identité et l'importance des œuvres. L'offre des artistes qui ont achevé leur carrière, qui sont décédés, donc l'offre est complète. Normalement, il n'y a pas de surprise, sauf que, il y a toujours des surprises possibles. Vermeer, puisqu'il est à l'actualité, on lui avait attribué 74 œuvres au XIXe siècle, celui qui avait redécouvert Vermeer, et en fait, il n'en aurait peint que 34, au dernier comptage. Donc, vous voyez, il y a de l'incertitude. Évidemment, elle peut être manipulée par ceux qui ont intérêt à faire penser que, voilà. Il y a des travaux extrêmement savants sur le corpus des œuvres de Rembrandt. Il y a eu un groupe d'historiens qui a déclenché le Rembrandt Project pour savoir mais combien d'œuvres Rembrandt a-t-il peint au juste. Et évidemment, la purge peut être plus ou moins sévère et la réaction à la purge elle-même peut être sévère parce qu'elle va détruire des intérêts qui sont en jeu. Mais on a aussi trouvé le moyen de peindre des nouveaux Rembrandt en toute transparence avec des algorithmes. Je vous le signale. C'est un joli sujet. Comme quoi, le jeu est infini dans ces mondes. Donc, on peut supposer avoir une information beaucoup plus complète et on peut déclencher un travail d'analyse savante, mais aussi de conservation, de mise en patrimoine, en musée, en répertoire, avec son inertie qui devient considérable et qui se développe pour ces artistes très réputés. Et précisément, la durabilité de l'œuvre d'art, cette propriété mystérieuse qui a tant fait méditer Hannah Arendt, est ce qui rend, parce que c'est un cas unique dans le travail humain, est ce qui rend possible la convergence des évaluations et la levée de l'incertitude. Lorsque, dans ce cas des arts, les œuvres prétendent pouvoir délivrer un flux indéfini de plaisir esthétique, pourvu qu'elles demeurent évidemment lues, écoutées, commentées, discutées, interprétées, mises en énigme et en controverse. C'est une bonne ressource pour conserver à des œuvres et à des artistes une place dans la curiosité et les préférences des individus. Il y a une très jolie citation de George Kubler, dans un livre qui s'appelle « Shape of Time », qui dit « Ces œuvres sont comme des étoiles, elles émettent de la lumière en franchissant le temps et l'espace. » Mais on pourrait ajouter « pourvu qu'on bombarde ces étoiles de questions, sinon elles ne nous transmettront plus leur lumière. » Et donc, on peut énoncer un principe de stabilité des classements qui sont universellement ratifiés. Parmi les œuvres qui ont été reconnues comme les meilleures à un moment donné, parce qu'il y a peu de cas de phénix, de gens qui étaient totalement ignorés et qui tout d'un coup ressortent. Ils avaient été repérés déjà à l'époque. de leur vivant, en quelque sorte. Bon, quelques exceptions suffisent à enclencher l'idée que ça ne serait jamais aussi simple, mais grosso modo, c'est quand même statistiquement ce qui se passe le plus. Van Gogh ne suffit pas à détruire l'argument. En tout cas, parmi ses créateurs et ses œuvres, une sursélection s'est enclenchée qui alimente le palmarès des valeurs les plus durables et qui fait entrer quelques artistes de chaque période dans un panthéon de valeurs universelles et indéfiniment célébrées. Et c'est vrai que l'humanité, notre humble humanité, ne dispose pas d'une meilleure définition de l'objectivité des valeurs que celle de leur durable universalité. Alors, on peut jouer au jeu de la critique et de l'objection et demander « Mais comment donc cette durabilité a été acquise ? La sélection est-elle à ce point optimisatrice que nous puissions passer de l'incertitude sur la qualité dont j'ai parlé antérieurement à la certitude sur ce qui doit faire consensus et qui doit inspirer une admiration générale, voire universelle ? En fait, la thèse opposée va évidemment insister beaucoup sur le cas des erreurs, des oublis dans l'attribution de valeurs et sur tous les exemples de fluctuations des valeurs et des réputations sur le long terme. Et donc, il est un peu rapide de considérer que l'allongement du processus d'évaluation pourrait opérer comme un modèle parfaitement linéaire d'emboîtement simple des classements les uns dans les autres qui finit par créer l'objectivité. Les raisons pour lesquelles des œuvres et des artistes bénéficient d'une réputation très durable peuvent être en réalité assez nombreuses et mêlées des considérations esthétiques, historiques, économiques, dont l'enchevêtrement est lui-même instable, comme le prouvent d'ailleurs des phénomènes de redécouverte ou de déclassement, ou l'attribution à certaines œuvres d'une importance historique qui est totalement indépendante de leur valeur esthétique. Je vous renvoie sur ce point à un ouvrage fameux de Francis Haskell qui a été traduit en français sous le titre « La norme et le caprice, redécouverte en art », qui énumère tous ces facteurs. Un exemple majeur que j'aime à citer, c'est le cas de la musique baroque qui a connu une sorte de redécouverte massive et qui nous a fourni un modèle d'alternative moderniste à la modernité de la musique contemporaine, puisqu'on a été logé dans la musique baroque des principes de renouvellement de ce corpus par le savoir des musicologues, des organologues, des interprètes et de tout un monde d'érudits qui s'est affairé pour démontrer que cette musique méritait d'être redécouverte et d'être en fait modelé selon les choix de tous ceux qui s'y affairent, au nom d'un principe d'authenticité qui s'évapore au fur et à mesure que le nombre de décisions qui sont prises pour les jouer se multiplie et que la concurrence s'installe pour pratiquer le renouvellement dans l'authenticité, ce qui est un exemple de contradiction pure et parfaite, mais c'est la dynamique même de ces mondes. Et donc, c'est ce qui pousse beaucoup d'auteurs à soutenir que si nous cherchons un fondement à l'accord qui se fait sur des vainqueurs de compétitions éliminatoires de plus en plus sélectives et éventuellement sur des siècles, nous sommes renvoyés en fait à des raisons de convergence qui sont assez floues et assez générales ou trop générales pour que l'explication par des différences incontestables de qualité soit purement et parfaitement convaincante. Et on a au passage éliminé beaucoup de choses. On a ignoré peut-être des courants, des artistes. On a révisé des valeurs selon des critères qui sont ceux de chaque époque. Et donc, un des facteurs d'ailleurs qui est intéressant, qui montre que les mécanismes peuvent être strictement endogènes, pour des œuvres ou des artistes qui sont situés désormais hors d'une zone d'incertitude, qui donc, dont la réputation a été fortement consacrée, il peut y avoir des mécanismes d'auto-alimentation de cette réputation. Donc ça fait partie d'un phénomène d'avantage cumulatif qui n'ont plus rien à voir avec leur qualité propre, mais avec de simples mécanismes de raréfaction. Par exemple, Les œuvres des peintres les plus connus sont aujourd'hui fortement concentrées dans les musées et les institutions publiques, et on peut appeler ça un stock gelé d'actifs patrimoniaux qui ne ressortiront plus. Et donc, ce qui est encore sur le marché dans les collections privées prend évidemment une valeur considérable et alimente, en quelque sorte, une spéculation par le simple mécanisme de rareté, une spéculation qui peut multiplier, en quelque sorte, consolider le phénomène de l'inertie des jugements. C'est une sorte de boucle d'auto-renforcement. Si maintenant je réunis les différents facteurs du puzzle, je vais finir cette exploration du versant de l'évaluation, un peu longue, mais bon, en prolongeant une question que posait Merton quand il demandait s'il était possible de déclencher des écarts de réputation à partir de zéro différence d'aptitude. Ça, c'est la question radicale et une sorte de relativisme, en quelque sorte, qui triompherait. Et en fait, aussi inattendu que ça paraisse, je m'ai appuyé sur un livre formidable de Nietzsche qui s'appelle « Humain, trop humain ». Un livre très connu, pour localiser quelque chose qui appartient à ce que je décris, qui est ce que le phénomène de la réputation peut devoir à la croyance. Dans la section 4, intitulée « De l'âme des artistes et des écrivains » de ce livre, « Humain, trop humain », Nietzsche pourfend l'idée de génie, lui aussi, et veut lui opposer l'analyse du travail et de la carrière des artistes en termes d'efforts et d'applications quotidiennes. Il fournit en quelque sorte ce que j'ai appelé le versant inclusif de la conception des talents. Et il le fournit il y a 150 ans. D'où sa critique de toute la mythologie qui entoure les découvertes et les réalisations jugées parfaites, parce qu'elle pousse à oblitérer le processus de la réalisation. Nietzsche écrit « Nous sommes accoutumés » ça n'est pas dans cette citation, je vais y venir tout de suite, « Nous sommes accoutumés devant toute chose parfaite à omettre la question de sa genèse et à jouir de sa présence comme si elle avait surgi du sol par un coup de baguette magique. Il est vraisemblable que nous continuons à subir ici les effets d'une émotion mythologique archaïque. » Et l'argument de Nietzsche va se développer sur trois plans, je vais les citer rapidement. Premièrement, la réalité du travail et de l'engagement des créateurs est, dit-il, celle d'une, il appelle ça, conscience artisanale, voici la citation. « Ne venez surtout pas me parler de dons naturels, de talents innés. » Donc, la sociologie est née avant la sociologie. On peut citer dans tous les domaines de grands hommes qui étaient peu doués. Mais la grandeur leur est venue, ils se sont fait génie, comme on dit, grâce à certaines qualités dont personne n'aime à trahir l'absence quand il en est conscient. Ça, c'est le côté psychologue de Nietzsche. Ils possédaient tous cette solide conscience artisanale qui commence par apprendre à parfaire les parties avant de se risquer à un grand travail d'ensemble. Ils prenaient leur temps parce qu'ils trouvaient plus de plaisir à la bonne facture du détail, de l'accessoire, qu'à l'effet produit par un tout éblouissant. Autrement dit, il faut commencer petit pour finir grand. Et Nietzsche propose d'ailleurs une recette pour devenir un bon auteur de nouvelles ou de romans, plutôt que de renoncer à se lancer en, dit-il, s'avouant honteusement « je n'ai pas assez de talent ». Plutôt que de se dire « je n'ai pas assez de talent », eh bien, travaillons. Voilà le premier argument. Mais ce travail, pourquoi peut-il être si souvent décrit comme une alternance de phases de travail et de phases d'inspiration ? Les secondes, les phases d'inspiration, captant l'essentiel de la fascination pour les capacités énigmatiques d'origine indéterminable. Je reviendrai tout à l'heure sur ce point, car la solution de Nietzsche est très proche de beaucoup d'analyses plus tardives des mécanismes de créativité. Je laisse donc ce point de côté pour l'instant. Troisième point, comment admirer ce qui nous dépasse complètement ? J'avais, vous vous en souvenez, évoqué l'argument de Rawls pour éviter de transformer en avantage illégitime et socialement insupportable dans un contexte d'un jeu à somme nulle, des réussites extraordinaires, et ça serait insupportable si la réussite des uns ne faisait que susciter l'envie et le soupçon des autres, comme dans cet argument sartrien de la lutte de tous contre tous quand on est dans un contexte de rareté. Rawls, vous en souvenez, devait interpréter les écarts de réussite comme une mutualisation des excellences. Les excellences représentent ces qualités et les talents individuels qu'il est rationnel que chacun, y compris nous-mêmes, désire que nous voir posséder. Ainsi, les excellences sont une condition de l'épanouissement de l'homme, elles sont des biens pour tout le monde, elles sont ainsi en rapport avec les conditions du respect de soi-même, de ce qui explique le lien avec le sentiment de confiance en notre propre valeur. Et le principe de mutualisation, c'est en voyant chez les autres l'exercice de compétences de haut niveau, nous y prenons du plaisir et le désir d'éveiller s'éveille en nous de faire des choses semblables nous-mêmes. Nous voulons ressembler à ces individus qui ont développé des compétences que nous trouvons latentes dans notre propre nature. Voilà le principe. Tout va bien, mais Nietzsche ajoute un argument assez malin, je dois dire, et il reprend un peu la même idée, mais il part d'une autre prémisse. Les individus peuvent admirer, oui, mais pourvu qu'ils puissent se placer à bonne distance entre ce qu'ils admirent et ce dont ils peuvent se sentir capables. Si ces activités sollicitaient exactement les qualités dont chacun est porteur, par exemple savoir se dépenser sans compter dans un travail, etc., il n'y aurait plus de ceinture protectrice contre le sentiment de se sentir dévalorisé par la réussite admirable de certains. Alors voilà ce que dit Nietzsche. Comme nous avons une bonne opinion de nous-mêmes, ça, c'est le fameux principe que les psychologues ont isolé qui s'appelle « Everybody is above average ». Tout le monde est au-dessus de la moyenne. C'est le principe de Garrison Keillor, un chroniqueur radiophonique très connu aux États-Unis. Enfin bon, et ça a été étudié par les psychologues. Comme nous avons une bonne opinion de nous-mêmes, c'est-à-dire que tous nous nous croyons supérieurs à la moyenne, ce qui est une contradiction dans les termes, si la moyenne a un sens, mais sans aller jusqu'à nous attendre à jamais pouvoir faire même l'ébauche d'une toile de Raphaël, donc il y a un principe de limitation de la bonne opinion de soi-même, ou une scène comparable à celle d'un drame de Shakespeare, nous nous persuadons que pareilles facultés tiennent d'un prodige vraiment au-dessus de la moyenne, représentent un hasard extrêmement rare, ou, si nous avons encore des sentiments religieux, une grâce d'en haut. J'ai beaucoup discuté cette origine religieuse du vocabulaire talent et du génie. C'est ainsi notre vanité, notre amour propre qui nous pousse au culte du génie. Voilà une bonne idée. Car il nous faut l'imaginer très loin de nous, en vrai miraculum, pour qu'il ne nous blesse pas. Et il cite Goethe, l'homme sans envie, dit-il, qui appelait Shakespeare son étoile des altitudes les plus reculées. Et il cite ce vers, « Les étoiles, on ne les désire pas. » Donc, on ne peut pas avoir d'envie qui contrarie vos propres pulsions. Mais si nous ne tenons pas compte de ces insinuations de notre vanité, l'activité du génie ne paraît pas vraiment quelque chose de foncièrement différent de l'activité de l'inventeur mécanicien, du savant astronome ou historien, du maître en tactique. Toutes ces activités, donc, si nous écartons l'idée qu'on doit les situer dans une sorte de ciel inaccessible qui va nous protéger de notre dévalorisation de nous-mêmes, Nietzsche dit, en fait, c'est tout autre chose. Toutes ces activités s'expliquent si l'on se représente des hommes dont la pensée s'exerce dans une seule direction, à qui toutes choses servent de matière, qui observent toujours avec la même diligence leur vie intérieure et celle des autres. Donc c'est ça le travail, en quelque sorte, de ceux qui s'y consacrent dans ces métiers, qui voient partout des modèles, des incitations, qui ne se lassent pas de combiner leurs moyens. Le génie ne fait rien non plus que d'apprendre d'abord à poser des pierres, puis à bâtir, que de chercher toujours des matériaux et de toujours les travailler. Toute l'activité de l'homme est une merveille de complications, pas seulement celle du génie, mais aucune n'est un miracle. D'où vient alors cette croyance qu'il n'y a du génie que chez l'artiste, l'orateur et le philosophe, que seuls ont de l'intuition, ce qui revient à leur attribuer une sorte de lorgnette merveilleuse qui leur permet de voir directement dans l'être, ça c'est pour les philosophes essentialistes, Manifestement, les hommes ne parlent de génie que là où ils trouvent le plus de plaisir aux effets d'une grande intelligence et où, d'autre part, ils ne veulent pas éprouver d'envie. Ça, c'est un grand problème. Jan Elster a consacré un de ses cours et un livre à la question de l'envie et de ses passions, qui ont été tellement analysées par les moralistes du XVIIIe siècle. Dire quelqu'un divin signifie « ici, nous n'avons pas à rivaliser ». J'aime assez cette manière de procéder. On peut voir, en fait, là-dedans, dans cette analyse, une formulation de quelque chose que les sociologues ont énoncé plus tard, qui est le fameux mécanisme de la frustration relative. Vous savez que dans l'analyse des inégalités, la perception des inégalités est d'autant plus saillante qu'on se compare avec un groupe ou avec des individus auxquels on peut se mesurer, se rapporter par un principe de comparaison familier. Niveau de qualification proche, position sociale presque équivalente, si jamais il y a des inégalités, alors elles seront jugées beaucoup plus violentes et difficiles à expliquer et on les ressentira de manière beaucoup plus saillante et forte que si quelqu'un est placé à une distance considérable, que le terme de la comparaison est énorme. Le raisonnement d'ailleurs peut permettre de comprendre que à la fois on puisse s'indigner de savoir que 0,1% de la population des plus riches s'est enrichie énormément par rapport aux 99,9% restants, ce qui est un argument de distribution, et qu'en même temps on ne ressente pas cet écart avec la même saillance qu'un écart qui, par exemple, fait que quelqu'un qui a votre qualification est payé 50% de plus que vous dans le bureau d'à côté. C'est ce qu'on appelle donc les phénomènes de frustration relative. Alors, maintenant, il reste à déterminer ces fameuses capacités dont parle Nietzsche, que j'ai citées là, la même diligence, la vie intérieure, qui voit des modèles, des incitations, qui ne se lasse pas de combiner des moyens, qui s'active beaucoup, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que ces qualités qui permettent de ramener le génie à ses dimensions humaines? En fait, nous verrons que ce sont des compositions de qualités, qu'on ne peut pas faire une décomposition factorielle, additive, élémentaire, mais qu'il faut pratiquer un raisonnement multiplicatif. Le problème que je voulais traiter ensuite, dans un autre registre de critique des notions de talent et de génie, c'est de pratiquer une désindividualisation du génie. Autrement dit, de rappeler comment l'individu est situé dans un contexte, de coopération horizontale. C'est l'objet de beaucoup de modèles sociologiques, par exemple celui de Howard Baker dans Les Mondes de l'Art, qui dit les individus mobilisent de multiples catégories de professionnels au long d'une chaîne de coopération et sans eux, leur travail serait rigoureusement impossible. Donc, cette contribution, elle peut être valorisée de bien des manières et la manière de valoriser les contributions de tous ceux qui collaborent à la production des œuvres a changé dans le temps. On peut même leur attribuer des positions d'auteur, etc., etc. Un éclairagiste autrefois était un technicien, aujourd'hui c'est un auteur dans un spectacle, etc. Mais le principe du raisonnement est toujours le même. Nous devons tenir compte de ces chaînes de coopération pour comprendre comment travaillent les gens et pourquoi un individu n'est jamais évidemment qu'un maillon, peut-être central, mais un maillon dans un ensemble. Et l'argument se renforce encore quand je tiens compte des phénomènes de collaboration qui sont marqués par la co-signature. Quand on travaille ensemble à un projet et qu'on co-signe le résultat, évidemment, on ne peut pas, même si les allocations de réputation seront éventuellement inégales, il faut considérer que le problème est celui de la mutualisation des efforts et que l'intelligence est partagée, comme on dira. Des organisations scientifiques qui co-signent en entier la production, par exemple, des travaux du CERN à Genève, dont les articles sont signé par des centaines, voire parfois des milliers d'auteurs. La liste des signatures est plus longue que les résultats. Et donc, c'est l'organisation qui, tout simplement, avoue qu'elle est productrice de cette science et que c'est l'intelligence collective qui prime, évidemment, sur ces phénomènes. Alors, il existe une autre manière de désindividualiser, qui est une désindividualisation verticale. Je vais beaucoup accélérer ici, mais... je vais finir sur un exemple fameux de désindividualisation qui est Proudhon. Proudhon, quand il veut s'en prendre à la loi sur la protection littéraire et artistique, autrement dit à l'imputation du résultat à un auteur qui a du talent et qui est original, Proudhon doit, et je remercie ici Pierre Verschuren qui m'a aidé à explorer le cas Proudhon, mais je vais aller un peu trop vite pour rendre justice au cas de Proudhon et à nos efforts communs pour le restituer. En fait, Proudhon dit « le talent, que ce soit celui d'un artiste ou d'un médecin, d'un individu, c'est en fait le produit d'un investissement collectif. Pas simplement le sien, mais celui de sa famille et même celui de la société en général. » Et Proudhon a écrit « Ainsi, la dépense faite pour l'éducation d'un talent est une dette contractée par ce même talent et non un capital. » Et là, il rompt des lances contre Jean-Baptiste Say, qui fut d'ailleurs professeur ici même, premier détenteur de la chaire d'économie politique ici au Collège de France, entre 1830 et 1832. Donc, Proudhon écrit l'homme, dans l'homme de talent, il y a tout à la fois en lui un travailleur libre et un capital social accumulé. Comme travailleur, il est préposé à l'usage d'un instrument, à la direction d'une machine qui est sa propre capacité. C'est une définition, une sorte de définition matérialiste de l'utilisation de soi. Et comme capital, il ne s'appartient pas, il ne s'exploite pas pour lui-même, mais pour les autres. Autrement dit, l'individu est socialisé par la quantité des investissements qui ont été réalisés en lui et qui sont une dette qu'il a contractée à l'égard des autres, ce qui fait qu'il peut bien être considéré comme un individu avec des caractéristiques particulières. Donc nous ne sommes pas dans un contexte d'égalisation radicale, mais que il ne peut pas en tirer un avantage qui oublierait que ses qualités sont le produit d'un investissement collectif. C'est ce qui le conduit à récuser le phénomène de la propriété littéraire et artistique en disant, comme pour toute propriété, c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir abolir. Et dans ce cas-ci, sans détruire le fait que les individus doivent travailler à différer les uns des autres et que la division du travail peut exister, donc nous ne sommes pas dans un schéma de type marxien, mais il reconnaît les bénéfices de la division du travail, simplement, et donc les bénéfices de la spécialisation des talents, mais il veut rappeler que c'est un ancrage social complet dans lequel on peut penser ces réalités. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 24 février 2017 le cours de Pierre-Michel Minger, La question du talent, modèle d'analyse et controverse. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minger. Je rappelle sa leçon inaugurale, publiée chez Fayard en 2014 sous le titre La différence, la concurrence et la disproportion, sociologie du travail créateur, et la même année édité en poche en point seuil son ouvrage Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain. Plus récemment, il a dirigé avec Simon Paille aux éditions du Collège de France Big Data et traçabilité numérique, les sciences sociales face à la quantification massive des individus. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des enjeux de la notion de talent et ses controverses dans le monde des arts et des sciences en compagnie de Pierre-Michel Minger. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.